Entr'acte de pierre par Maurice Guillemot. Eau-forte d'Eugène Béjot. Entre des pavés vieux d'un siècle qui ont été secoués par le passage des charrettes menant à la guillotine, qui ont été ébranlés par les défilés de canons, qui tressaillirent aux acclamations saluant l'empereur et le roi, qui subirent le contact infamant et odieux des alliés, que remuèrent les émeutes et les révolutions, qu'enthousiasma juillet, que navra décembre, sur lesquels neigea 1870, avec quoi le 18 mars fit ses barricades, des graminées poussent. Une flore multiforme et imprévue s'épanouit, de la poésie naît sans cesse, la nature généreuse consent à égayer la ville, de la verdure et des parfums rompent la monotonie architecturale des quartiers et des façades, mettent une aigrette colorée aux pierres de taille, agrémentent les corniches, adornent les balcons, évoquent Sémiramis sur les gouttières, sans le charme de Paris. La flore du pavé compte 209 espèces, et cette statistique que l'on doit à M. Valot a été citée par M. Jules Clarty. C'est incroyable, dit-il, ce qui pousse à Paris autour de nous, sous nos pieds, sans que nous nous en doutions. On a trouvé, chose curieuse, la moutarde sauvage, Sinopis, quai d'Austerlitz, place du Carrousel, et autour de l'Arc de Triomphe. Le chou, oui, le chou, quai d'Orsay, la giroflée un peu partout sur les murailles, le cresson au quai Henri IV et sur tous les quais du reste, la luzerne au boulevard de Bercy, le trèfle autour des grilles des arbres, la verveine sur le terre-plein du Pont-Neuf, la lentille boulevard Voltaire, la garance sur les berges du canal de l'Ourcq, à la Villette, la chicorée quai de Grenelle, la laitue place du Carrousel, l'orge autour de l'Arc de Triomphe et jusqu'à la carotte quai de Grenelle et dans les perrets de l'île des Cygnes. C'est pourquoi ce que nous voulons faire, Alphonse Karr, qui a écrit « Voyage autour de mon jardin », eût pu l'appeler « Voyage autour de ma ville ». Et pour un Parisien parisiennant, c'est bien le titre qui conviendrait. Il y a aux archives des livres, des albums, des mémoires, toute une documentation rétrospective de l'archaïsme d'impression, des volumes et des notules, de la prose et des vers, de l'histoire et de la chronique, le tout concernant la ville. Nous y joignons cette plaquette qui s'épigraphie d'une phrase des 13 par Honoré de Balzac. Ces observations incompréhensibles au-delà de Paris seront sans doute saisies par ces hommes d'études et de pensée, de poésie et de plaisir, qui savent récolter, en flânant dans Paris, la masse de jouissances flottantes à toute heure entre ses murailles. Les jardins de Paris sentent le renfermé. Cet alexandrin calomniateur a dû être écrit en quelques parcs-monceaux haussmannisés devant les parterres réguliers, les bordures fastidieuses de nos Lenôtres officiels. Aussi n'est-ce pas en ces décors, d'où est exclu le pittoresque, que nous voulons voir la nature à Paris, mais parmi l'initiative privée, dans le jardinet de l'éclusier ou de l'aiguilleur, sur le balcon de l'ouvrière ou de l'écrivain, sous la tonnelle de l'invalide ou du cantinier, sur la charrette du biffin ou le ponton du pénicheur, dans l'enclos du presbytère ou dans le champ des morts, partout la verdure, les fleurs, couleurs et parfums sont pour les artistes et les humbles une joie, une consolation, un rayonnement, un délice. C'est au marché aux fleurs que s'achète la terre elle-même, dont on remplira les jardinières, dont on saupoudra les balcons, dont on terrassera des cinquièmes de soubrettes ou d'étudiants. À côté des pots de géranium, des bannes de boutures, il y a des paniers emplis d'humus, matière première indispensable, et le point de départ de notre flânerie doit être au quai des fleurs. Il est singulier que Paris ne possède pas un marché aux fleurs convenable, ou simplement couvert, comme les halles. Pourquoi n'y a-t-il pas une halle aux fleurs, bien installée, comme la halle aux légumes et la halle aux poissons? La phrase est d'Alphonse Karr, datée de décembre 1866. Si, il y a 15 ans déjà, le bon vieil ermite, à la longue barbe blanche sur le veston de velours noir, avait voulu quitter son exquise oasis de Saint-Raphaël pour revoir ce Paris qui l'embaumait de ses envois de violettes, après l'avoir ébloui de sa verve et de son esprit, il aurait pu constater que le vœu formulé par lui était exaucé. Il lui eût fallu s'en rendre compte, surtout une veille de la Sainte Marie, la fête la plus fêtée du calendrier. entre la sévérité imposante, moyenâgeuse presque, de la conciergerie et la tristesse de l'immense hôtel-dieu, entre la scène encaissée, quasi invisible, et la préfecture de police, tout animée d'un va-et-vient de gardes municipaux, sont établis à demeure des abris aux toits pointus, aux colonnettes de soutien très légères. Deux petites fontaines qui coulent incessamment mettent au milieu un éclat de limpidité, un susurrement de fraîcheur. C'est là que se tiennent le dimanche le marché aux chiens et aux oiseaux, tableau de Paris peint si souvent fois, les mardis et vendredis le marché aux fleurs. Celui-ci, pour la Sainte-Marie, pour la Saint-Louis, pour la Toussaint, dure et se prolonge 3 jours, et les éventaires, les étalages, les entassements, les amoncellements débordent sur le quai de la cité au long du tribunal de commerce, se continuent sur le quai aux fleurs et vont même jusqu'au pont d'Arcole, en face de l'hôtel de ville. J'y fus flâné le 15 août dernier. Dès la place du Châtelet, on commence de rencontrer des gens porteurs de pots encolorétés de papier blanc. Ce sont des ménagères des quartiers lointains, de faubourgs, qui, avec les gosses, sont venues et ont acheté le cadeau fleuri pour l'aïeule impotente ou pour la grande sœur aux cheveux fous, qui jouera la surprise en rentrant de chez sa patronne et cachera sous sa pèlerine le petit bouquet glissé par l'amoureux. Des femmes en noir passent, fleuries aussi, des veuves, des mères, des orphelins dont la vie est hantée par un deuil, et qui profitent de cette fête pour orner une tombe. Des fiacres stationnent où l'on range les emplettes de la cliente qui visite les marchandes. Le cocher cause aux fenêtres de l'hôtel-Dieu avec des malades en bonnet de coton montrant leur figure hâve. Une silhouette de religieuse s'aperçoit derrière les vitres, le visage calme sous la cornette, les mains blanches dévidant un écheveau de laine. Allez, si je n'avais pas peur que la toile crève, vous ne l'auriez pas. Ah, c'est bien celui-là, ne craignez pas de le regarder. Et le garçon jardinier, qui voit d'un mauvais œil le ciel couvert où courent de gros nuages sombres gonflés de pluie, ficelle le géranium qu'une femme emporte avec sollicitude. De toutes parts, on marchande, on discute, on se quitte, on se rappelle. Hé, le plongeur ! La face luisante, les mains grasses, les manches retroussées, grand tablier bleu, l'homme qui s'éloignait revient et, colloque, prix débattu, l'affaire se conclut enfin. Cette plante aux feuilles veinées de pourpre, ce coléus, fera très bien devant mademoiselle sur le comptoir entre les soucoupes des morceaux de sucre et les carafons de fine. On va même jusqu'à l'altercation. Deux caracos blancs s'empoignent dans un langage imagé, un rassemblement se forme, les spectateurs prennent fait et cause. Le sergot arrive et, avec une gravité prud'homesque de Pandore, sépare les groupes en formulant « Tout le monde met son mot et on n'y comprend plus rien ». Partout, il y a de l'animation. Les commissionnaires, leurs plaques jaunes battant au gilet, sont rangés en haie, attendant qu'on les envoie de ci de là par la ville, messagers de souhaits, de baisers, de souvenirs. De cela, le fardeau sera précieux, car il n'y en a pas que pour les petites gens au marché aux fleurs. Voilà de bizarres et coûteuses orchidées, des caladiums aux immenses feuilles, des clématites avec leurs lianes graciles, des canas florifères, des gloxinias, des azalées, des anthuriums, des bégonias. Le vulgaire et chaud géranium est en nombre. Les plantes d'appartement aussi font des coins de verdure fraîche, des palmiers, des phormiums, des caoutchoucs, et tous les pots sont entourés de papier blanc, ce qui donne un aspect très spécial à ces parterres de fête. Dans la nuit, très tard, les voitures à bâches grises, les tapissières à carreaux pleins, remontent le boulevard Saint-Michel, s'en retournent à vide vers Malakoff, Châtillon, Fontenay, Sceaux. Les pourvoyeurs de la Sainte-Marie, de la Saint-Louis, de la Toussaint ont fini leur vente. Paris est fleuri. L'éclusier de la Bastille, lui, a nul souci des choses marquées au calendrier. Il est comme Candide, tout simplement. Il cultive son jardin en quiétude d'âme, le long, tout le long de l'année, et il est à la campagne, malgré les tramways qui passent proches. De chaque côté de l'écluse étroite, qui s'enfonce sous la voûte conduisant au grand bassin de la Bastille, ce sont des terrains champêtres, les pavillons d'architecture municipale à l'aspect d'anciennes barrières dissimulées par la verdure des arbres, sous les acacias aux teintes variées. Il y a des tourelles, des poulaillers, et, venant jusqu'au pont Morland, dont les séparent des grilles, un enclos de vignes basses grimpant à des armatures de berceaux, le tout très feuillu, plein de grappes, avec dans l'intervalle des rangées de cèpes, des petits pois, des légumes. Des pots d'œillets, un tonneau pour arroser, la niche du chien, des abris pour la basse-cour. Des poules picorent, des enfants jouent, un kiosque est surmonté d'un pigeonnier. Des allées sont bordées d'iris et de glaïeuls, des lauriers roses dans des caisses, des yuccas, et c'est comme un moyen terme entre la nature qu'est l'eau, la vie de la rivière, où les sirènes ululent, où les remorqueurs sifflent, où des bateaux s'empanachent de fumée, et la ville bruissante du voisinage des gares, du branle-bas, des fardiers, des départs et des arrivées. Une distraction lui est d'aller tourner la manivelle pour faire mouvoir les lourdes portes noires et massives. Mais là encore, il continue son rêve agreste. Jusqu'à la petite cabane qui est tout contre le passage, il y a un revêtement de glycine, un joli cadre de feuilles. La maison, aux enseignes bleues, à vie de la ville, est tout habillée de lierre, et de l'autre côté d'une allée qui s'élargit devant la porte, il y a un clos avec des plates-bandes, des groseilliers en bordure, des arbres fruitiers en éventail. Et c'est dans Paris, dont la rumeur s'agite tout alentour, un véritable coin de province où, sur le square du panorama de la Bastille, des amateurs de palais jouent dans un cercle de spectateurs qu'on croit entourés des saltimbanques. Ce sont de vieilles gens, d'aucuns avec le ruban violet, et l'on ne subit pas le décor. On est dans une rumeur indistincte, où le fleuve met une clarté remuante et calme tout à la fois, un apaisement de miroirs rayés par des passages de bateaux. Les joueurs ont leur tabouret et un petit chiffon noir pour envelopper et nettoyer les palais poussiéreux. Contre un arbre est accrochée la marque, deux boules comme au billard. Le sable est défoncé. On fait ainsi la partie sous l'orme du mail, tout à côté du vignoble de l'éclusier, tandis que sur le fleuve et sur le canal passent les péniches, roulottes d'eau, véhicules de commerce et de rêve, amusants à suivre, à regarder, à étudier. Qu'on les considère en station à Saint-Denis, devant l'entrée du canal, ou bien traînés par la longue corde du remorqueur, ou bien encore immobiles à côté au quai de déchargement. Cheminots de ces chemins qui marchent, selon l'expression de Pascal, ils ont, les pénicheurs, la passionnette d'un brin de feuillage, d'une palette de fleurs, et leur réduction d'habitation est ainsi complétée par les caisses de plantes qui ornent le pont près de la fenêtre de leur chambre, qui ombrage la table où l'on prend ses repas, le banc où l'on muse entre la lessive qui sèche, tandis qu'au-dessous, l'âne ou le mulet, bête de renfort pour les halages, mâchonne son foin, s'ébroue en son étroite écurie flottante. Bien que leur coquetterie paraisse s'attacher seulement et surtout aux lauriers roses des établissements de bains, aux simples géraniums des corbeilles de banlieue, aux fuchsias des souhaits de fête, ce sont eux cependant, les pénicheurs, qui à leur insu entretiennent et enrichissent la flore parisienne cataloguée par M. Vallot. Du nord et du midi, de l'est et de l'ouest, les grands bateaux plats apportent d'innombrables graines dont les fouette la brise. Semences éparpillées au hasard des saisons, qu'ils promènent par toute la France, qu'ils déposent ça et là, et qui poussent alors parmi les ruines de la cour des comptes, dans les chantiers de l'exposition, sous les toits mêmes des maisons. C'est sans doute d'une péniche, descendant le courant du fleuve, que s'envola l'imperceptible graine d'où naquit l'arbre de l'opéra. Une des curiosités de Paris, ce platane qui pousse ses rameaux au-dessus de la grande porte de l'administration, du côté du boulevard Haussmann, et qui ajoute un étrange pittoresque à l'architecture de Charles Garnier. Garnier, grand maître du fronton, de l'astragale et du feston, comme lui écrivait Théophile Gautier. Il faut féliciter la direction des Beaux-Arts de n'avoir pas trouvé déshonorant pour l'Académie nationale de musique cet exilé d'une forêt lointaine, peut-être, et de le laisser croître en toute sécurité au-dessus des jolies passantes du corps de ballet. Les membres de l'Institut ont eu la même raisonnable indulgence pour la vigne qui décore le vieux puits de la cour du palais Mazarin et de la morne et antique demeure, c'est le seul sourire. Sourire à peine visible, dissimulé à l'arrière-plan comme s'il faisait honte à la majesté vénérable de l'entour. Quand on arrive du quartier latin et qu'on descend vers les quais par la rue Mazarine, on trouve, après la rue Guénégaud, le passage du Pont-Neuf, immortalisé par la Thérèse Raquin de Zola, puis une porte basse dans une façade noirâtre, une porte dont l'officialité est révélée par un drapeau. Par là, on peut pénétrer à l'Institut. Ce n'est pas l'itinéraire que suivent les candidats. Entre des bâtiments aux vitres couvertes de taie, aux rideaux sales, une courette solitaire dont une entrée porte inscrit sur son fronton de bois « Bureau des longitudes ». C'est laid, antique, grisâtre, silencieux, avec un aspect de site abandonné, de pompéienne extinction, et cette vigne qui monte aux ferrures de ce puits a l'air de s'ennuyer là, étonne par sa vitalité résistante, par son ancienne énergie qui persiste et qui dure, par l'enlacement fidèle de ses sarments tortueux. Avec cette tige de paratonnerre qui lui est un sombre tuteur, avec cette fenêtre qu'elle bouche de ses feuilles, avec à côté, sur la margelle, les pots de fleurs du concierge, cela fait un décor moisi, vétuste, on songe à Picciola, et l'on a envie de plaindre cette pauvre vigne qu'a contemplée jadis M. Cousin, amoureux tardif de Mme de Longueville, et dont M. Villemain lui prit des greffes. Ce bon M. Villemain, qui, tout comme Jenny l'ouvrière, avait sur son toit des giroflées. La grande cour de l'Institut, où murmure la fontaine classique à tête de Minerve, où somnolent les Louis XIVe vases sommés de flammes ainsi que lampadaires de funérailles, où s'empoussière une architecture solennelle à colonnes et à pilastres, est une sœur aînée, vieillie, revêche, maussade, de la courette du puits. Et tandis qu'elle n'est fréquentée que par des vieillards, graves et savants, qu'elle écoute le nonagénaire M. Legouvet conter ses souvenirs de la Restauration à la barbe blanche de M. Picot, qu'elle admire la prestance académique de M. J. M. de Heredia Orante, la démarche timide et fatiguée de Sully Prudhomme, le nez ex-élyséen de M. Sorel, le plastron impeccable de M. Henri Houssaye, fils d'Anacréon, qu'elle déplore l'air maladif, quoique patriotard, de M. Copé, et s'épouvante de la bicyclette de M. Laroumet, secrétaire perpétuel, la cadette est tout embellie par instants de jeunesse joueuse, d'élèves, hommes et femmes des beaux-arts, l'idéal aux deux crayons, de rapins faisant des rapines de flirt pour le vrai motif, et de baisers, oui, de gentils et prestes bécots devant la porte du « Bureau des longitudes ». Brrr, j'ai vu là des commencements d'idylle, les cartons à dessin et les boîtes à peinture posées sur l'appui des fenêtres, afin de laisser les mains libres, l'amour dans les ruines, la nature dans Paris, entr'acte de pierre, encore.